Mira, bocadita, no soy a classic. Yo aquí cantando con mi corazón. Yeah. Mira, bocadita, no soy. Yo aquí cantando con mi corazón. Mal vu, on nous expulse, j'en place une pour mérite un Oscar. Dans le film des exclus, tous les miens méritent un Oscar. On veut plus de vos excuses, on veut plus de l'aide, mec c'est tout con. On veut pas ta Lexus, juste ne plus être laissé pour compte. Tu loin tes histoires de gamme, d'échanger ta fer de gun. Je resterai frais jusqu'à ce que je gagne. Et chanterai avec le cœur, opé aux machines, une guitare. Une instrumentale est née, t'as saisi pas d'un truc. Quand je rappe, il se passe un truc, demande à l'aîné. Du match, m'en parle, j'ai tout ce qu'il faut, je m'en parle. J'ai les mots insta, mais dès le départ, j'ai vu cette vie de barre. Genre les mots insta, pas douceur, personne va te parrainer tout seul. Tu dois monter, ce sont ces pauvres. Tous les mal aimés, tous ceux tu dois montrer. Mira, bocadita, no soy. Yo aquí cantando con mi corazón. Mira, bocadita, no soy. Yo aquí cantando con mi corazón. Mira, bocadita, no soy. Et merde, ils voudraient qu'on soit les mêmes, qu'on soit clones. Pas de quoi se marrer, mec. Moi, je me sens mal aimé comme François Claude, une France hardcore. 6 mois pour quelques meufs, de te chez Rush. Non, Marianne, une mère indigne qui mettait qu'au certain de ses rushs. Pays d'hypocrites, ils sont bons. Car à l'époque, les villes-ci, ils nous aiment pas. Mais ils dansent sur à l'aide et les gypsies. À la sept, je m'assomme dès l'aurore. J'envoie ce défoncé au Rhum. Je suis à deux pas de péter les plombs quand je vois ce que cette France fait au Rhum. Et tu te sens loin de cette nation. Car gros, tu sais que l'intégration, c'est la plus grande carotte du siècle. Cette année, je vais tout plier. Plus le temps de roupiller, je pense. Chaque jour à vous. C'est pour les oubliés de France. Mira, bocadita, no soy. Yo aquí cantando con mi corazón. Mira, bocadita, no soy. Yo aquí cantando con mi corazón. Mira, bocadita, no soy. Cantando con mi corazón.